Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Cette semaine dans Super Fail, nous ne chercherons pas à savoir si le communisme fut un échec. On va être beaucoup plus ambitieux que cela. On va se demander pourquoi la sortie du communisme a échoué. De la Pologne à la Russie, les tentations populistes s'épanouissent dans ce monde-là. Le Kosovo n'est pas une réussite sur le plan économique et la Roumanie souffre d'une corruption endémique. Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mare manifestări populare din București, considerând aceasta ca o Le dernier discours de Ceaușescu, c'était le 21 décembre 1989 et ce fut le début de la fin pour lui et pour un monde que vous connaissez bien, Bernard Guetta. On n'a pas cherché à savoir ce matin si le communisme fut un échec. On va être beaucoup plus ambitieux avec vous. On va se demander pourquoi la sortie du communisme fut un échec. Et d'ailleurs, tiens, au fait, pourquoi ce fut un échec? Pourquoi peut-on dire aujourd'hui que la sortie du communisme a échoué, Bernard Guetta? Si elle avait été un succès, il n'y aurait pas une guerre depuis plusieurs années au cœur même du continent européen, en Ukraine. Il n'y aurait pas eu, pour la première fois depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une annexion territoriale sur le continent européen, je parle naturellement de la Crimée. Si cette sortie du communisme avait été un succès, nous n'assisterions pas aujourd'hui, non pas, on le dit à tort, à une résurgence de la guerre froide, mais à un conflit ouvert de nouveau entre la Russie et ce qu'on appelait l'Ouest du temps de la guerre froide. Si la sortie du communisme avait été un succès, l'ancienne ère soviétique, l'ensemble des républiques qui composaient l'Union soviétique ne serait pas aujourd'hui, à quelques exceptions près, et encore je dois bien les chercher, des pays très peu démocratiques. Souvent pas du tout. Si on pense à la Russie, absolument pas, puisque c'est une démocrature, c'est-à-dire une dictature avec les habits de la démocratie, et nous n'aurions pas dans cet immense territoire tant d'États mafieux. Si la sortie du communisme avait été un succès, le camp des démocraties dans le monde aurait été renforcé. Or, ce n'est pas le cas. C'est exactement le contraire qui s'est passé. Donc, le bilan n'est pas brillant. Ce que vous êtes en train d'expliquer, Bernard Guetta, c'est qu'il y avait en germe, dans la manière dont le communisme s'est achevé, et tous les ingrédients nécessaires à son échec. On peut dire exactement le contraire, on peut dire les deux. Il y avait tous les ingrédients nécessaires à l'échec de cette sortie du communisme et tous les ingrédients nécessaires à son succès. Et malheureusement, à quelques grammes près, le plateau de l'échec l'a emporté, mais l'a emporté spectaculairement, dramatiquement. Alors parmi les différents types d'échecs que vous avez évoqués, puisque tous les pays communistes, ex-communistes, n'ont pas échoué de la même façon. Certains ont échoué de manière politique, d'autres de manière économique, d'autres enfin de manière morale. On peut aussi rassembler les trois. Est-ce que vous pouvez nous fournir une sorte de typologie de ces échecs, peut-être en commençant par la Russie, qui est probablement l'échec le plus patent, où on voit bien que la sortie du communisme n'a pas été la construction de la démocratie. Alors, si vous me permettez, quand même, il y a eu quelques succès. Les démocraties populaires, les pays d'Europe centrale, malgré la résurgence de forces de droite nationalistes et assez profondément obscurantistes en Pologne, en Hongrie, peut-être dans certains autres pays, malgré tout, c'est un succès. Vous trouvez ? Ah oui. Ah oui. Oui, oui, oui, oui. Pour ce qui est des anciennes démocraties populaires, vous savez, on disait deux mots de mensonge au temps du communisme. Mais oui, quand même, c'est un succès. C'est un succès à la fois économique et politique parce que malgré tout, ces pays se stabilisent dans la démocratie. Pour prendre l'exemple de la Pologne, qui est un pays que vous connaissez bien, oui, Bernard Guetta, oui. Est-ce que l'on peut dire que ce pays, aujourd'hui, avec des tentations qui sont quand même des tentations extrêmement dur avec un régime qui est certes une démocratie, le gouvernement a été élu, il n'y a aucun doute là-dessus, mais enfin, la volonté donc de réformer la Constitution, la volonté de museler l'opinion, tout cela est quand même extrêmement présent en Pologne. Tout cela est extrêmement présent, tout cela est extrêmement inquiétant et encore plus antipathique. Cela étant, à ma connaissance, il n'y a pas un seul prisonnier politique en Pologne, on ne torture pas dans les prisons ni dans les commissariats. Et aux prochaines élections, si l'ensemble des courants d'opposition étaient fichus de faire un front commun, ils l'emporteraient contre la majorité actuelle. Malheureusement, ils échoueront à le faire. Donc, je n'appelle pas ça une situation désespérée. Pas du tout. Alors qu'en Russie, oui, là c'est beaucoup plus grave. Alors que dans les pays d'Asie centrale, les anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale, oui, la situation est véritablement beaucoup, beaucoup plus préoccupante. Alors, vous interrogiez sur la Russie. Ben oui, allons-y sur la Russie. Qu'est-ce qui n'a pas marché en Russie, Bernard Guetta? Premièrement, Gorbatchev n'a pas été compris par son peuple, par les Russes. Ne parlons même pas des autres républiques de l'Union soviétique. On ne comprenait pas ce qu'il voulait parce que il n'était pas comme un Imre Noy en 56 en Hongrie, le patron du parti qui arrivait en disant on s'est complètement trompé, on va tout effacer, etc. Non. Il disait on continue, etc., etc. Mais on continue, mais en changeant tout. Et alors ça ne passait pas. Et pourquoi est-ce qu'il disait on continue, mais en changeant tout? Parce que le seul moyen pour lui de changer tout en Union soviétique était de s'appuyer sur le pouvoir qu'il détenait en tant que secrétaire général du parti. S'il n'avait pas été le secrétaire général du parti, il n'aurait pu faire aucune de ces réformes. Et ce qui était donc absolument extraordinaire et totalement paradoxal, et très difficile à comprendre dans la situation de Gorbatchev, c'est que plus il réussissait, plus il échouait, puisqu'il cassait tout et qu'il allait s'effondrer avec le système qu'il voulait totalement transformer. Le deuxième paradoxe, c'est que plus le parti s'affaiblissait, moins il avait les moyens de transformer le pays. Donc c'était extraordinairement difficile à comprendre. Et les Russes ont beaucoup mieux compris Yeltsin, qui était un esprit totalement simple, pour ne pas dire simpliste, qui était par ailleurs un ivrogne invétéré, il n'avait que quelques heures de lucidité le matin. Na zdorovye! Mais qui disait, on casse tout. On casse tout, on met en prison les voleurs, etc. Ça, les gens comprenaient. Et ça a débouché sur quoi? C'est la deuxième raison de l'échec. Ça a débouché sur une transformation, le passage à l'économie de marché, en quelques mois. Et le passage à l'économie de marché n'a pas du tout été une privatisation, il n'y avait pas de capitaux privés. Non, simplement, l'ancien appareil du parti, les partisans de Boris Yeltsin, se sont partagés entre eux toutes les richesses nationales. Ça a été le plus grand hold-up de l'histoire. Et ce hold-up a totalement dégoûté de l'économie de marché les Russes et les Soviétiques d'une manière générale. Ça a été absolument catastrophique. Et à un moment donné, arrive au moment où tout allait s'écrouler, au moment où la popularité de Yeltsin était réduite à néant, arrive un jeune officier du KGB, je veux dire Vladimir Vladimirovitch Poutine, qui dit qu'il va mettre les voleurs en prison, qui dit qu'il va instaurer une dictature de la loi. C'est très intéressant. Une dictature de la loi. Et cet homme a d'autant plus de succès qu'il dit parallèlement que le recul territorial de la Russie, de la Fédération de Russie, maintenant, c'est fini. Et qu'il va envoyer des troupes en Tchétchénie pour mettre les Tchétchènes au pas. Et c'était évidemment un symbole. C'est fini, le recul de la Russie. Je vais vous embêter, Bernard Guetta. Vous dites que c'est un échec parce que, du point de vue de vos critères, évidemment, la Russie n'est pas une démocratie. Du point de vue des Russes, aujourd'hui, Vladimir Poutine a une cote de popularité qui ne se dément pas. Non, elle se réduit. Elle se réduit. Elle ne se dément pas totalement, mais elle se réduit d'année en année. Enfin, vous voyez bon, où je veux en venir. Non, continuez. Il y a aujourd'hui en Russie un dirigeant que vous pouvez, selon vos critères, considérer comme étant absolument dictatorial, dangereux, inquiétant, bref, tout ce que vous voudrez. Les Russes, en majorité aujourd'hui, sont satisfaits de cet homme ? Non. Satisfaits de cet homme, peut-être, pour encore la majorité d'entre eux. Ça, c'est pas rien, quand même. Non. D'accord. Mais ça, ce n'est pas un succès de la Russie. C'est un succès de M. Poutine. C'est un bénéfice pour M. Poutine. Maintenant, voyons les bénéfices pour les Russes. M. Poutine, depuis qu'il est au pouvoir, n'a pas investi un sou dans les équipements collectifs, la réindustrialisation, les écoles, les hôpitaux, etc. C'est un pays qui part à volo. Donc, ne pensons pas que cette dictature soit bénéfique à la Russie. Absolument pas. Le niveau de vie en Russie est absolument catastrophique, etc., etc. Tous les experts, ou en tout cas beaucoup d'entre eux, s'accordent pour dire qu'économiquement, la Russie est un désastre, avec toutes les conséquences que vous citez. Sociales. Mais ils s'accordent aussi pour dire que le discours que leur sert Poutine est un discours qui a troqué donc ce bilan épouvantable que vous décrivez contre une victoire, alors je ne sais pas, symbolique, politique. Non mais bien sûr qu'il y a une compensation d'orgueil blessé que Poutine incarne, aussi bien en Ukraine qu'en Syrie d'ailleurs. Hein, la Russie est de retour sur la scène internationale, et c'est vrai, alors qu'elle avait été complètement effacée de la scène internationale pendant la période Yeltsin. Mais cette période, après tout, elle était relativement brève. Alors oui, Poutine donne cette satisfaction d'orgueil à une partie, au nationalisme blessé de la Russie. Blessure d'orgueil que l'on peut comprendre. Mais en revanche, où est-ce qu'il mène ce pays à moyen et long terme? Et en vérité, même à court terme d'ailleurs, à 3-5 ans, véritablement, on ne le voit pas. Parce que, bon, très bien, il a réaugmenté le budget militaire après des années de baisse. Il a reconstitué des corps d'élite, c'est vrai, dans l'armée. On l'a vu d'ailleurs en Syrie. Très bien. Et après, qu'est-ce que va faire la Russie aujourd'hui au Proche-Orient? Elle va s'embourber, inéluctablement. La force de la Russie aujourd'hui, ce n'est pas la force de la Russie, c'est la débandade des États-Unis sous M. Trump et l'inexistence de l'Europe sur la scène internationale. Donc effectivement, il n'a plus personne en face de lui. Alors c'est facile de parader, mais un jour ou l'autre, et assez rapidement, il aura de nouveau des gens en face de lui, et en tout état de cause, la Russie de Poutine mène aujourd'hui une politique de réaffirmation nationale dont elle n'a pas les moyens économiques. Donc tout ça est une impasse. Alors, vous avez traité du cas russe, Bernard Guetta. Restent les autres anciennes démocraties populaires. Lorsque vous prenez, par exemple, on a entendu Ceaușescu dans son dernier discours, l'état de la Roumanie, l'état de la Hongrie, que pouvez-vous évoquer au sujet donc de ces pays ex-communistes? Alors, regardez, les deux pays qui donnent des signes inquiétants, aujourd'hui, politiquement inquiétants, c'est la Hongrie et la Pologne. Ces deux pays ont quelque chose en commun qui n'est pas leur décennie communiste, absolument pas. C'est leur histoire. La Hongrie a été dramatiquement amputée territorialement à la fin de la Première Guerre mondiale. La Hongrie, qui était une véritable puissance européenne, n'est aujourd'hui plus qu'un petit pays, comme l'Autriche d'ailleurs. Quand vous allez à Vienne, c'est absolument fascinant. C'est une capitale impériale pour un petit département. Bon, la Hongrie souffre d'un orgueil humilié par les conditions qui lui ont été imposées à la fin de la Première Guerre mondiale. Et la Pologne souffre d'un besoin de jouir de la plénitude de ses frontières et de sa souveraineté pour la première fois dans son histoire. Parce que souvenons-nous que à travers les siècles, en tout cas depuis le royaume de Pologne, la Lituanie, la grande époque, etc., la Pologne a été un pays qui a toujours été déchiré, partagé entre les grandes puissances, une abomination, qui a été simplement rayée de la carte pendant la majeure partie du XIXe siècle, qui n'a conquis son indépendance à la fin de la Première Guerre mondiale que pour ensuite être partagé par Hitler et Staline et ensuite tomber dans l'escarcelle de Staline. Alors si vous étiez polonais, écoutez, je vais même dire pire, si nous étions polonais, vous et moi... Ça aurait pu nous arriver. Non, ça aurait pu... Voilà. Non, ça aurait pu nous arriver, pas au sens que vous vouliez dire malicieusement. Ça pourrait nous arriver d'être un petit peu nationaliste. Parce que on aurait un besoin, comme l'ont un grand tiers des Polonais aujourd'hui, ceux qui votent pour la majorité actuelle, de dire « Ah ben voilà, nous sommes la Pologne ». Mais justement, ce nationalisme-là, qu'on voit de manière très claire sur l'échiquier politique dans ces pays ex-communistes, est-ce que vous considérez que le communisme l'endormait, l'assouvissait ? C'est très paradoxal, parce que... Si la Pologne a aujourd'hui ses frontières légitimes, c'est grâce à Staline. Qui les avait assurées à la Pologne que, afin d'avoir dans son bloc une Pologne puissante et étendue. Mais le fait est que ses frontières actuelles, la Pologne, les doit à Staline. C'est un immense paradoxe. Et moi, je rencontrais souvent en Pologne, du temps des communistes, des gens qui n'étaient pas du tout communistes, qui étaient hostiles au régime, et qui me disaient « Oui, mais enfin, en même temps, s'il n'y avait pas eu le bloc et le communisme, nous n'aurions pas nos frontières actuelles. Et si la Pologne a pu conserver ses frontières actuelles au moment de l'effondrement du mur de Berlin, c'est grâce à qui ? À François Mitterrand, qui a exigé de l'Allemagne qu'elle reconnaisse les frontières de la Pologne. Il a très bien fait. On continue la carte des pays communistes, Bernard Guetta, la Roumanie. Mais écoutez, la Roumanie, elle est victime en France de préjugés assez répandus. On pense que ça va pas, que c'est un pays corrompu, etc. Oui, bien sûr, la corruption est très répandue en Roumanie, comme elle l'est, permettez-moi de vous le dire, dans beaucoup d'autres pays, et pas seulement anciennement communistes. Mais en même temps, c'est le pays dans lequel on a vu, il y a une poignée de mois, des centaines de milliers de citoyens descendre dans la rue pour protester contre la corruption et dénoncer les corrompus. C'est en même temps le pays dans lequel la justice indépendante, un parquet indépendant, mène une lutte mais phénoménale contre la corruption à tous les échelons politiques et administratifs où elle se situe. Donc, vous voyez bien qu'il y a des flèches gigantesques, mais en même temps, il y a des points forts qu'il faut applaudir. La Yougoslavie. Ah, alors attendez. La Yougoslavie, premièrement, elle n'était pas dans le bloc soviétique, puisque Tito avait rompu avec Staline très très vite au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et deuxièmement, la Yougoslavie, elle sort de quelque chose d'atrocement spécifique. C'est une décennie de guerre civile. Donc là, véritablement, la Yougoslavie, c'est un sujet à part, c'est un sujet spécifique, véritablement. Alors, cela étant, on y retrouve, vous avez raison, on y retrouve des traits communs. Premièrement, la résurgence des nationalismes. Oui, bien sûr, en Croatie comme en Serbie. Je dirais beaucoup plus en Croatie qu'en Serbie, d'ailleurs. Et on y retrouve un problème d'inadéquation totale entre les réalités politiques d'aujourd'hui, les réalités des temps communistes, ceux de la Fédération de Yougoslavie, et les réalités de l'histoire. Parce que, je vais choquer beaucoup de monde, mais la Bosnie-Herzégovine, telle qu'on a voulu la maintenir dans son unité du temps yougoslave, ben, ça ne marche pas, tout simplement. Ça ne marche pas, parce que on a voulu réunir dans un même État indépendant des gens qui n'avaient aucune envie de vivre ensemble. Les musulmans, avec une majuscule à musulmans, puisque c'était une nationalité, des Croates et des Serbes. Ben, ils ne s'entendent pas. Les Croates ont envie d'être Croates, les Serbes ont envie d'être Serbes, et les musulmans, ben, ils ont envie d'avoir un État malgré tout, mais qui serait amputé si les Croates partaient en Croatie et les Serbes en Serbie. Et deuxième exemple, le Kosovo. Le Kosovo est une aberration politique et historique. Il faudrait évidemment qu'il y ait une grande Albanie et que les Albanais du Kosovo soient réunis aux Albanais d'Albanie. Mais je ne sais pas, il y a eu dans les démocraties occidentales, dans les années 90, face au conflit yougoslave, une étrange aberration intellectuelle qui a conduit à considérer que les États-nations étaient une abomination nazie. Or, les États-nations, au 19e siècle, c'est pas forcément ma tasse de thé, hein, les États-nations. Mais, enfin, une abomination nazie, non. Enfin, au 19e siècle, les États-nations, c'était le fin du fin de la liberté et de la démocratie. Pourquoi? Parce que c'était à l'époque la rupture avec la contrainte impériale. Oh ben, regardez, pour les peuples de Yougoslavie, c'était un peu la même chose. On aurait dû, dans l'ex-Yougoslavie, pousser à la constitution par la négociation d'État-nation, ce que voulaient ces peuples, où aurait été le drame. Bernard Guetta, vous dites que la sortie du communisme est un échec aujourd'hui. Pensez-vous que si on laissait le choix à ces peuples, ils souhaiteraient revenir non. à l'étape d'avant? Être le mouton, tu aimes? On te dit quoi il faut penser ou quoi écrire, quoi faire? Tu sais que je bouffe du poulpe 3 fois par jour et ces putains de poulpes me sortent par les oreilles maintenant. J'ai des putains de godasses russes que mes pieds passent au travers. Qu'est-ce que tu dis de ça? Absolument pas. Les anciens partis communistes, qu'ils soient devenus sociodémocrates ou pas, ou totalement libéraux, ou thatchériens, ou je ne sais quoi, peu importe, ont des électeurs, mais non pas du tout par nostalgie des temps communistes, mais par opposition au pouvoir en place. Quels que soient les défauts, les souffrances, les aberrations que l'on trouve dans ces pays aujourd'hui, le présent vaut infiniment mieux que le passé communiste, y compris en Russie. Merci beaucoup Bernard Guetta. Je rappelle le titre de votre ouvrage dans l'ivresse de l'histoire chez Flammarion. Superfell a été foiré par José Bernays à la technique, raté par Anaïs Izébert à la production et mal réalisé par Alexandre Fougeron. Superfell.